Chapitre 6e. J'ai couru vers Severino, assis au pied d'un arbre. Je me suis de nouveau placé devant lui, prévoyant ce qui allait arriver. Après quelques minutes d'effarement, Yaha, Lucio et José, brandissant leurs couteaux, se pressent autour du malheureux, veulent le frapper. Je leur parle, leur déclarant que je comprends leur douleur, leur désir de vengeance, puis j'invoque leur qualité de chrétien. Je fais allusion à leur salut, qu'un assassinat peut compromettre. Ils me regardent d'un œil sombre, méchant, mais effrayés d'une part, accoutumés de l'autre à respecter les hommes de sang blanc, ils hésitent à me toucher, à m'écarter, à m'arracher celui que je couvre de mon corps. Parmi les arguments que je fais valoir, il en est un qui les touche, qui peu à peu les apaise. C'est que la mort, pour le malheureux qu'ils veulent frapper, serait un bienfait. J'obtiens, au nom de l'héroïque Lina, qu'on le laissera vivre dans la nuit à laquelle elle l'a condamné. Pendant ce temps, Severino, qui n'a qu'à demi-conscience de ce qui se passe en face de lui, continue à gémir et les douleurs qui le torturent fortifient mes dires. Lucio, Yaha et José retournent près du corps de Lina, tandis que j'entraîne le vaquero vers la rivière pour le panser. Lina, en proie au délire, me raconte-t-il, l'a frappée, au moment où il se penchait vers elle pour la rassurer. Il n'avait aucune mauvaise intention, il me le jure, et je le laisse dire. Guérirai-je ? Me demande-t-il anxieux. Oui, tes plaies se cicatriseront, si tu es bien soigné. Je reverrai le soleil ? Jamais. Il reste hébété, me fait répéter, puis se roule sur le sol, proférant d'immondes imprécations. Une chose m'intrigue, c'est avec un couteau que ses orbites ont été fouillées, et à ma connaissance, Lina ne possédait pas de couteau. Elle m'avait pris le mien, me dit Severino que j'interroge de nouveau. J'avais, cédant à ses prières, des liens de ses bras lorsque... Ses douleurs reparaissent, lui arrachent des cris. Je le conduis assez loin pour qu'il ne nous arrive plus ces affreux cris, qu'à l'état de sourds gémissements ou de vagues plaintes. Je reviens pas à pas, côtoyant la rivière, glanant toutes les fleurs que je rencontre, et que bientôt je sème, attendri, sur la robe blanche de Lina. Je repars. Je remonte le cours de l'eau, cherchant un lieu de sépulture pour ma petite amie. Nous ne possédons aucun instrument pour creuser la terre et couvrir simplement d'herbe et de mousse ce jeune et beau corps. C'est le livret, pensée que je repousse, au chacal répugnant, et huit de vautours qui seront là dans une heure, prévenus de l'aubaine par leur infaillible odorat. J'atteins une plage sablonneuse sur laquelle courent, s'étendent de longues vagues bordées d'écume. J'appelle mes compagnons. Nous formons un barrage pour contenir les flots. Puis sans autre outil que des bâtons et nos mains, nous creusons une étroite tombe. Il est laborieux ce travail, et la nuit nous surprend sans qu'il soit terminé. Nous le reprenons avant l'aube, et c'est à l'heure où les oiseaux saluent le soleil levant, lui chantent un hymne à la vie dont il est le dispensateur que, les yeux mouillés, récitant le pater, chacun dans notre langue, nous couchons Lina, dans l'humide sillon que nous avons creusé, que nous hésitons ensuite à combler. J'ai enfin détruit le barrage, dispersé le sable. Les vagues ont aussitôt repris leur cours et oscillent leur doux murmure en atteignant la rive qu'elles baignent sans doute encore à l'heure présente, en frangeant à chacun de leurs sacs la tombe ignorée d'une dentelle d'argent. Nous avons tenu conseil, Yaha, Lucio, José et moi, puis, lent, le cœur endolori, brisé de fatigue, nous retournons vers la plaine, vers les palmiers, vers notre bivouac si subitement abandonné. Je conduis l'aveugle que je voudrais par instant interroger, faire causer. Mais cette curiosité me semble une profanation, et je la repousse. Au fond, Severino est une brute, qui a toute la rudesse du métier qu'il exerçait, dont l'esprit est borné. L'amener à un aveu serait sa mort certaine, immédiate, je me tais. Nous passons près du cheval mort dont nous recueillons l'équipage, et bientôt un sonore braiement retentit. Martin, que nous avons tous oublié depuis 24 heures, gambade autour de nous, réclame des caresses. Il va, vient, nous examine, nous flaire, regarde au loin, braie. Évidemment, il cherche Lina, ce qui nous émeut. C'est une bonne fortune que l'âne soit retrouvé. Yaha et José vont pouvoir continuer leur voyage. Ils n'ont plus besoin de moi, hélas. Et je vais remonter en compagnie de Lucio, le cours du Rio d'Amatlan, tandis qu'ils le descendront. Mais l'aveugle... Je ne puis songer à le promener dans les solitudes. et je cause longuement de lui avec Yaha et José. J'obtiens, au prix de quelles dépenses, de paroles appuyées, de la séduisante éloquence d'une once d'or, qu'ils le conduiront jusqu'à leur village et le remettront à l'alcade, afin qu'il soit pourvu à sa subsistance. José porte au cou une médaille de la Vierge qui lui vient de sa mère, et je lui fais jurer sur cette image, doublement sacrée pour lui, d'accomplir ponctuellement mes instructions. Il jure. Le surlendemain, reposé, nous nous disons un adieu éternel, Lucho et moi passablement émus. Yaha et José en apparence, impassibles, comme il convenait à nos races respectives. Notre journée de marche a été morne, en dépit du voisinage de l'eau courante, qui est gaie non seulement parce qu'elle parle, gronde ou gazouille, mais parce qu'elle attire la vie, étant elle-même vivante. Nous avons parlé de Lina tout le long du jour, et nous causons d'elle devant notre feu de bivouac. Nous évitons de nommer Severino. Toutefois, son nom m'échappe. Lucho se lève aussitôt, ses yeux brillent, un mauvais sourire crispe ses lèvres. Il se promène un instant autour du foyer, se calme, se rassied. « À l'heure présente, me dit-il alors d'une voix sourde, celui que vous avez nommé doit avoir comparu devant Dieu et expie son crime. Car que ce soit d'une façon ou d'une autre, votre grâce, qu'il a défendu et le défend, je ne sais pas pourquoi, ne peut nier qu'il a causé la mort de Lina. Veux-tu dire qu'il est mort lui-même ? Dis-je en me levant à mon tour. Oui, il a dû chuter, n'y voyant pas clair, du haut d'un ravin. S'il vit, il doit errer, perdu dans la forêt, d'où les fauves, attirés par ses plaintes, l'enverront rejoindre sa victime. Tu crois que José... Non, José est jeune, loyal, et tiendra son serment. Mais Yaha n'a rien juré, lui, et... Retournons, dis-je impérieux. Si Severino est coupable, il est plus que châtié par... Là, seigneur, me répond Lucio sans bouger. Pour aller vers lui, il faut attendre le jour, qui est encore loin. Et nous marcherons plus d'une semaine, je vous le prédis, avant de retrouver ses eaux. Si vous admettez que d'une bouche folle puisse parfois sortir un sage conseil, demain nous continuerons paisiblement notre route. Et nous laisserons faire Dieu. Je veillais tard, mais le lendemain, convaincu de mon impuissance, je continue à suivre le cours de la rivière, laissant faire Dieu. Ainsi s'achève Lina par Lucien Billard.